crains, c'est quelqu'un n'est pas facile à digérer pour un chauffeur. J'en suis témoin pour la deuxième fois en mangeant mon sandwich au jambon. Nous nous observons le gendarme et moi. Je achève en mangeant mon deuxième sandwich. C'est un hot dog fumant et à point. C'est un hot dog des bateaux cherchent en vain des morceaux. La déception est d'autant plus grand qu'ils n'ont pas entendu crier avant le choc. La sirène avait couvert la. Nous nous observons le gendarme et moi. Je achève en mangeant mon deuxième sandwich. C'est un hors.